3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Hey hey, pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Bon, on a quelques petits problèmes techniques, mais c'est pas ça qui va nous empêcher de parler. Vous le savez, comme à chaque fois, chaque semaine, chaque lundi sur KNF TV, on se donne rendez-vous pour vous souhaiter une très bonne semaine en Orange and Blue. Et cette semaine, encore une fois, je suis accompagné par le fidèle Seb, a.k.a. Choubix le Gaulois. Comment vas-tu Seb pour cet 100e épisode ? Eh ben super, bah écoute, nickel, tout va bien. Eh ben écoute, on est prêt à démarrer un beau petit programme. Une 100e, c'est pas rien. Ça fait déjà un petit moment qu'on est sur KNF TV à vous parler des Knicks, de l'actualité, des rumeurs, des awards, de tout ça, des dramas parfois, ça arrive, des victoires, des défaites. Il y a tout un tas de choses à se raconter quand on parle des Knicks, et c'est pas cet épisode-ci qui va nous mettre sous le silence, même si voilà, la technique fera ce qu'elle fera. On lance tout de suite le petit jingle et on est parti pour l'épisode 100. Allez, c'est parti. Et oui, déjà l'épisode numéro 100, donc on va commencer cette émission tout simplement par remercier tous ceux qui ont déjà pu voir au moins un épisode dans leur vie de Have a Knicks Week. Et vous êtes nombreux, nombreux et nombreuses, et on vous remercie pour tous les commentaires qu'on peut recevoir, les likes, les retours positifs. Je ne vais pas citer tous ceux qui nous suivent parce que ça serait très très long, et puis je n'aimerais surtout pas oublier quelqu'un, donc en tout cas je vous remercie. Au grand nom de la Knicks Nation France, l'association, pour nous suivre dans cette aventure qu'on a entamée déjà il y a quelques saisons. Je remercie également tous les contributeurs. Seb, forcément, tu m'accompagnes depuis un bon paquet d'épisodes. T'en as peut-être pas 100 à ton actif, mais t'es pas très loin. Moi, bon, voilà, j'ai dit votre fidèle serviteur, j'ai dû les faire tous, ces 100. Je remercie également Julien, je remercie Laurent, Abdoul, qui d'autre, Willy aussi, Alex, qui sont passés sur nos antennes, par-ci, par-là, sur différents épisodes. Donc, on a une très grande pensée à vous. Plein de cœur à vous pour faire continuer cette aventure Knicks Nation France et ces rendez-vous du lundi par médias interposés. Voilà, épisode 100, c'est pas rien, hein, c'est pas rien. Tout ça, quoi. Tout ça. Voilà, donc c'est le petit moment émotion. Et ouais, déjà 100. Et jusqu'où va nous amener cette aventure KNF TV, on verra. Mais on a passé un premier cap, un premier palier avec ce 100e épisode officiel. Il y a eu des hors-séries. Bon, on les a pas tous comptés, mais on a déjà plus de 100 épisodes à notre actif sur Have a Knicks Week. C'est dire si on a des choses à dire sur les Knicks. C'est dire. Oh bah, y a toujours quelque chose à dire sur les Knicks. Il y a toujours. Bon, ça, c'était pour le moment bonne humeur. Malheureusement, on a parfois aussi des moments un petit peu plus tristes, un peu plus sérieux. Et là, en fin de semaine dernière, on a appris la disparition d'un New Yorkais. Un New Yorkais d'adoption, de cœur, en tout cas, c'est certain. DJ Clark Kent. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est un DJ qui était plutôt influent dans la scène hip-hop, qui a collaboré, entre autres, avec Jay-Z, Notorious B.I.G., Mariah Carey. Voilà, sur la belle époque de la fin des années 90, début des années 2000, un New Yorkais qui est aussi un très grand influent dans la culture sneakers. Il avait collaboré avec Nike sur une édition, entre autres, de Air Force One. Et puis, voilà, un Knicks fan, comme beaucoup. On pouvait le voir très, très régulièrement avec quelques couleurs orange et blue qui lui allaient très bien et qui nous parle toujours. Donc voilà, il nous a quittés pas plus tard qu'en fin de semaine dernière, à moins de 60 ans, 57 ou 58, je ne sais plus. Donc voilà, paix à son âme, une pensée pour sa famille, bien sûr. Et puis voilà, cette émission, cette 100e, lui est dédiée. On aurait préféré avoir plus à le célébrer tout d'une autre façon, mais malheureusement, la vie est ainsi faite. Nous ne sommes que de passage sur cette grosse terre. Et voilà, une pensée pour DJ Clark Kent. Allez, sans aucune transition, quoique peut-être, hein, on a vu semaine dernière quelques apparitions encore de nos Knickerbockers et d'une partie de nos Nova Boy sous un accoutrement qui rappelle quelque chose à tous nos amis et fans amateurs de hip-hop. Et oui, on avait Josh Hart, Jalen Brunson et Michael Bridges qui vient d'arriver à New York. comme l'a dit si bien notre ami distributeur de glace, vendeur de glace dans cette publicité, qui faisait donc l'apparition dans un petit teasing, une petite publicité de la marque Swoosh pour la sortie d'une nouvelle version de Air Force. Non, c'est même pas des Air Force One, c'est des Jordan One aux couleurs du Wu-Tang. Les Knicks qui sont décidément assez bankable, assez visibles en ce moment, on les voit dans tout un tas de publicités. On avait eu Jalen Brunson qui était présent un petit peu dans une publicité pour le NBA 2K 2025. Là, pour une marque, pour une sortie d'une sneakers, on a Jalen Brunson qui apparaît dans des pubs pour une marque de montres. Jalen Brunson qui apparaît dans une pub pour un vendeur de boissons énergisantes. Bref, les Knicks ont la cote en ce moment. Les Knicks sont bankable. Les Knicks ont la hype pour eux. Et tant mieux, c'est peut-être signe d'un renouveau aussi dans l'image des Knicks qui était décriée parfois, moquée souvent ces derniers temps, avec des saisons qui sont plutôt réussies sportivement et des joueurs qui sont sérieux, qui ont le sens du spectacle, le sens aussi des médias, nouvelle génération. Voilà, on retrouve nos Knickerbockers un petit peu sous différentes couleurs, différentes coutures, et le Orange and Blue devient de plus en plus à la mode. Donc c'est avec plaisir qu'on assiste à tout ça. À voir si le Knicks bashing va continuer, va s'assagir. En tout cas, les Knicks sont bankable. Ah, oh, Par bah, contre, des... les gens aiment bien tomber sur les Knicks quand ça perd, mais quand ça gagne d'un coup, alors là, Ah, on aura peut-être un peu j'ai plus de toujours mal été à un Knicks fan. trouver. J'ai toujours aimé les Knicks, mais non, mais je disais ça, mais c'était sur le coup du troll. Oh, toujours aimé les Knicks, c'est sûr. Toujours aimé les On Knicks, les c'est connaît, sûr, hein. c'est sûr. On les On connaît. les connaît, hein. Il y aura peut-être du retournement de veste, à voir, à voir. En tout cas, les Knicks sont bankable, mais les Knicks n'ont pas réussi à trouver un accord avec Mikal Bridges. Alors, Mikal Bridges, vous le savez, il a été trade cet été contre quelques tours de draft. Un certain Bojan Bogdanovic, je crois qu'il y avait aussi un joueur ou deux, bref. Mais son contrat arrive doucement mais sûrement en fin. Il reste encore une saison, je crois, et il était question d'extension de contrat, mais malheureusement, il n'y a pas eu d'accord de trouver avec le front office new-yorkais et Mikal Bridges. Donc voilà, à voir, affaire à suivre. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de péril en la demeure. La saison ne fait que commencer. Il est encore sur contrat un petit peu. Donc on verra à quel montant et quelle durée se fera cette extension Mikal là. Bridges, il a encore, il a 7 années Et la et saison prochaine, je il crois. a l'année prochaine. Voilà. Donc Parce il n'y avait qu'il est pas né à 23, d'urgence. à 23 et l'année prochaine à 25. C'est le joueur majeur, le joueur du starting five qui est avec le contrat qui expire le plus vite maintenant. Karl Anthony Towns est sur contrat, Josh Hart aussi, OG Anunoby, vous le savez, il a pris son petit chèque, son gros chèque même cet été. Jalen Brunson avait fait une petite réduction. Il était question de savoir si Mikal Bridges allait être dans la mouvance de son capitaine, de son leader, de son meneur. Pour l'instant, c'est pas fait. Bon, on verra. On Quand les n'apprend pas le prolongations se chemin. font pas, Léon Rose, il a tendance à trade. Mais bon, là, on va raison Là, il garder. vient de le C'est. récupérer. Mais bon, on sait jamais, on sait jamais. Les choses vont très vite en NBA. On ne pensait pas que On se Dante rappelle, hein. DiVincenzo serait parti. Et pour autant. Bon, pas de nouveau contrat, mais un Je n'ai pas trop nouveau le faire partir. parquet. Ouais. Un nouveau parquet sur lequel bah, Dante aura peu de chances de performer cette saison. Mikal, on l'espère. Les Knicks, comme l'ensemble de la NBA, ont présenté les nouveaux parquets de la NBA Cup. Et oui, ça s'appelle plus le In-Season Tournament, ça s'appelle la Cup, tout simplement, parce que c'est une coupe à gagner. Et ça nous rappelle un petit peu, nous, nos coupes qu'on peut connaître dans les championnats de Ouais, foot en Europe, c'est entre plus simple autres. à dire. C'est plus La simple à dire. communication est plus simple. Voilà, c'est plus court. Effectivement, c'est un tournoi. La formule du tournoi ne va pas changer. Hein, ça va toujours être des matchs de saison régulière qui compteront pour la saison régulière et aussi pour la coupe. Il y a des groupes qui ont été tirés au sort il y a quelques temps de ça, avec lesquels les Knicks retrouveront donc les Philadelphia Sixers, les Charlotte Hornets et le Orlando Magic. Donc voilà, trois matchs de saison régulière qui compteront pour cette coupe. Et ensuite, bah, une sorte de tableau avec des matchs à élimination directe pour aller. Pourquoi pas disputer et essayer de récupérer cette coupe qui se jouera donc sur les matchs de demi-finale et finale à Las Vegas. J'ai plus le calendrier exact en tête, mais en tout cas c'est, je crois, les matchs du vendredi, si je dis pas de bêtises. Et ça nous pousse jusqu'à fin novembre, début décembre. Voilà, c'est la formule de la saison dernière. Ça avait été plutôt réussi, on va dire, même si les matchs de saison, voilà, on les prenait à la fois comme des matchs de saison et des matchs de coupe, mais les matchs à élimination directe derrière étaient plutôt intéressants. Ça pouvait chambouler des choses dans le calendrier. On a notamment joué la saison dernière 5 fois les Milwaukee Bucks, 5 fois les Boston Celtics. Bon, voilà, ça Ouais. n'aidait pas, on va dire, à l'équilibre du calendrier par rapport à des forces importantes de la conférence Est. Mais voilà, les joueurs ont l'air plutôt d'avoir adhéré globalement à ce concept. Est-ce que visuellement, on va avoir les yeux qui vont un peu moins saigner? Il y aura une dominante assez fortement orange sur ce nouveau parquet. Je sais pas Alors, comment toi tu l'as. tu joues Philadelphie le 13 novembre pour la NBA Cup. Brooklyn Nets le 16 novembre, 3 jours après. Et donc tu m'as dit que la dernière équipe c'était qui? Le C'était Orlando les Magic. Les Floridiens du Magic. et là. Et donc tu les joues le 4 décembre. Voilà. Ouais, ça pousse jusqu'à décembre, effectivement. Décembre. Ce nouveau parquet, nouvelle version du parquet, il y a la petite skyline qui est un peu en Ouais, bon, surimpression. j'ai toujours autant un avis positif là-dessus, je trouve assez dégueulasse. Mais voilà, les goûts et les couleurs, comme on dit. C'est ça. C'est aussi histoire d'avoir une démarcation visuelle, de savoir que ces matchs de saison régulière sont des matchs de la Cup. C'est vrai que Ouais. si les enfin, chaque Trop équipe jouait sur criard, son ça parquet à me. domicile, voilà. Il Mais me fait bon, on a saigner les l'impression de yeux. voir effectivement des fois un match sur NBA 2K dans les salles un petit peu virtuelles. Bon, Ouais, je dis. préfère les parquets plus sobres, tu vois. Les parquets gris, je trouve ça. Ah, Ça ça rajoutait fait. de la couleur sur les parquets. Bah, comme tu dis, tu sais, t'as l'impression de jouer à 2K qui a été modé avec des. Voilà, tu sais, c'est avec des équipes. Tu te fais ton parquet, tu t'es fait un délire. Et ouais, je suis pas hyper fan. Je suis pas hyper. À voir si ça Bof. passe mieux en réalité et sur les écrans. Voilà, en tout cas, une petite variante. Et moi, je préfère la version en tout cas 2025 du parquet que celle de 2024. À voir après sur le rendu. Et je sais même pas s'il y aura beaucoup de matchs finalement sur ces parquets. Faudrait comparer. Parce que j'ai plus du tout le parquet. C'était quoi le parquet 2024 Il d'une X? était différent. On l'a partagé sur Twitter, sur le compte Twitter de l'association. J'ai Une petite pas fait comparaison. gaffe. Il y a une J'ai variante, pas en tout cas fait là cette année, il y a Skyline, à voir si on la retrouvera sur le parquet City Edition. On n'a pas non plus d'informations pour le moment sur le City Edition. Il y a eu peu d'annonces, il y a eu des fuites un peu, mais il n'y a rien eu encore de révélé officiellement. Tout ça va se rapprocher et comptez sur nous en tout cas pour être à l'affût de toutes ces infos, Montre, ces leaks. remontre. Ah merde, on peut pas voir. Ouais. Ah oui, Hey. ouais, avec la grosse. Il y avait une grosse. Ouais, c'est vrai que c'était pas. C'est vrai que Petite c'était variante, pas petite ouf variante. l'année dernière. C'était pas ouf l'année dernière. C'est vrai que. Ouais, c'est un peu mieux cette année, mais ouais, c'est un peu mieux cette année. C'est vrai que l'année dernière, avec cette énorme bande bleue au milieu là. Mais bon. C'était pour aller droit au panier. Voilà. En Oh, tout pas cas, si beau. les Ouais. Knicks ont un nouveau parquet, ils ont aussi une nouvelle chanson, enfin une nouvelle chanson, le remix du Go New York Go que l'on connaît depuis les années 90. Ça a été communiqué bah, peu de temps avant le lancement du home opening. Voilà, avec du Walt Frazier en star, bien sûr, et puis nos amis des Knicks avec Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby qui chantent, qui dansent, c'est marrant. Voilà, tout ça remixé par Dougie Fresh, pour ceux qui ont aussi la référence dans la scène hip-hop, un ancien, un OG, Dougie Fresh. Je sais pas si t'as aimé. Les images sont sympas, la chanson. Ah, voilà, on remixe un peu le Go New York Go qu'on connaît. Oh, oui, bon, c'est remis un Ça peu au rafraîchit milieu. un petit peu, ça rafraîchit un petit peu. Il y a une Voilà. petite vibe Brooklyn cachée là-dedans. Hein. Mais voilà, en tout cas, de nouvelles C'est sûr images. que tu pouvais pas garder celui avec Anthony Mason. Il fallait le remettre un peu au goût du jour, quoi. C'est Voilà. normal. Tu vois, voilà. Enfin, bon, je trouve ça normal que. Tu vois, celui c'était quoi? C'était 92, 93 quand il avait été Ouais, tourné à cette 92. époque-là. Ouais, 92. Donc c'est bien de le refaire un petit peu. Remettre un petit peu au goût du jour, il y avait une version qui avait été faite par Sweet Beats avec Carmelo Anthony, Amari Stoudemeyer, ce qui était très musique techno sur le coup, qui passait un petit peu moins bien. Voilà, en tout cas, Moi, mon fiston adore, il m'a demandé de le repasser plusieurs fois, donc visiblement, Et ça ben plaît à la alors, nouvelle et ben voilà. génération. C'est le principal, j'ai envie de dire. C'est le principal. Voilà, En tout cas, on a ben, un très beau voilà, ça veut. trip. Toi, ça veut. Ça, tu vois. En fait, tu vois, voilà, c'est pas toi, donc. Voilà, c'est une question de savoir viser le bon public et la bonne cible. Et voilà, c'est ça, ben oui. Mais... Des Knicks qui sont bankable, des Knicks qui ont un nouveau parquet, des Knicks qui ont une nouvelle chanson, qui sont présents dans les pubs, et puis bah, des Knicks qui sont tout simplement scrutés en ce début de saison. On va revenir bien évidemment sur les deux matchs de la semaine dernière. Vous savez déjà les résultats, vous attendiez ces matchs, vous les avez vus. Et des gens qui ont vu pas mal de choses. Vas-y, je... Et des Knicks qui ont été scrutés, et Seb qui avait vu juste dans ses pronostics la semaine dernière. On aura l'occasion de revenir dessus, hein, bien sûr. Donc si vous voulez gagner de l'argent en masse, écoutez les pronostics de Seb. Je sais Et pas. oui, Je sais pas. si vous voulez arrêter de travailler, c'est Non, non, non, non. Les frères, ne faites pas des choses comme ça. Oh, Ne faites frère, pas les bolos, non. comme diraient les autres. Les paris sportifs, c'est à faire avec... Avec attention, mais en tout cas, les Knicks étaient très scrutés, que ce soit dans leur réussite comme dans leurs échecs. Le premier match a été un petit peu compliqué, le deuxième s'est beaucoup mieux passé, et en tout cas, ça fait partie des meilleures audiences depuis un bon petit moment sur l'Opening Night avec des Knicks, du coup, qui étaient aussi peut-être qui ramenaient cette dose de hype supplémentaire à la remise de la bague de champion au TD Garden. Donc c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Tout le monde va scruter les Knicks, tout le monde va avoir un avis sur les Knicks. Attention aux conclusions hâtives, il n'y a eu que deux matchs de saison régulière de jouer. En NBA, on sait que c'est un marathon, hein, c'est 82 matchs au moins de saison régulière. Il y aura peut-être un 83e pour les finalistes de la Cup à Vegas au mois de décembre. Et puis après, bien sûr, vous le savez, la post-season, mais 82 matchs de saison régulière, c'est très long. Il y a des dynamiques à installer, des rythmes, des alchimies à trouver entre joueurs, entre coéquipiers, et puis une équipe des Knicks qui avait quand même pas mal changé, là où on a vu des Boston Celtics un petit peu plus en confiance. En tout cas, voilà, les Knicks sont scrutés cette saison, donc on va faire attention à tous les avis qu'on pourra donner, même s'ils n'engagent que nous. Mais en tout cas, ils étaient nombreux à regarder l'Opening Night, et on peut le comprendre après quelques mois de sevrage de NBA, c'était un plaisir de retrouver la semaine dernière les Knicks. Allez, un élément aussi sur lequel il va falloir qu'on revienne, mais on vous donne rendez-vous en fin d'émission. Bien sûr, on a parlé de l'Opening Night et nous avions un jeu concours la semaine dernière encore pour gagner ce fameux autographe de notre ami Isaiah Hartenstein. Il est encore avec moi, mais ça y est, on a le nom du vainqueur. On vous donne rendez-vous à la fin de l'émission, donc restez bien jusqu'au bout de cette émission, de cet épisode 100. Il y a le nom du grand vainqueur à dévoiler. Qui a vu juste sur le pronostic? Qui était le plus proche du pronostic? Je vous dis tout ça en fin d'émission. En fin d'émission. Et puis, il y aura peut-être aussi une autre surprise parce que c'est la centième. Et restez vraiment bien jusqu'au bout. Si Isaiah Hartenstein n'est plus un joueur des Knickerbockers, eh bien, Landry Schamet l'est toujours. Oui. La semaine dernière, si les Knicks n'ont pas pu le faire revenir dans l'effectif parce qu'il est toujours blessé après sa dislocation de l'épaule, épaule droite, Ouais. épaule gauche, je crois que c'est la droite, oui. Eh bien, il a tout de même été drafté. Oui, drafté, comment ça? Par les Westchester Knicks. Et oui, effectivement, l'équipe de G League ouvrait ses recrutements. Et là où Landry Schamet était attendu plutôt chez les grands, chez les Knickerbockers qui jouent au Madison Square Garden. Eh bien non, il aura plutôt une phase de transition où il va rejoindre les rangs des Westchester Knicks. Alors l'équipe de G League, c'est peut-être une façon surtout de le garder sous la main, de le garder proche de l'équipe. Il va pas rejoindre tout de suite, il va pas jouer tout de suite. On n'a pas vraiment d'informations sur sa période de rééducation. On ne sait pas non plus la gravité de sa blessure. Ça a été plutôt fait de façon assez discrète, mais il a été drafté, il a été sélectionné, il fait partie de l'effectif de G League, donc ça va permettre une transition, de le faire revenir si besoin est. Et s'il est en état vers les Knicks, il avait montré de belles choses en pré-saison. Les Knicks sont une des rares équipes de cette ligue pour l'instant à ne pas être complet dans son effectif. On n'a pas 15 joueurs réellement sous contrat garanti. Il y a des two-way, il y a des rookies, il y a des... Non, il n'y a pas de 10-day, il n'y a plus de 10-day contract. Un autre joueur qui a été annoncé dans les rumeurs et dans les radars pendant un petit moment, c'est Matt Ryan, qui est un plutôt bon shooter à 3 points, bien sûr, un shooter de loin, qui lui aussi a été drafté par les Westchester Knicks. Bon, ça, tout ça, on le sait, c'est des petites manœuvres pour pouvoir garder les joueurs proches de l'effectif. et éventuellement les faire revenir. On avait T.J. Warren qui était parti également au Westchester Knicks. Voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus sur comment compléter durablement l'effectif. Et si Landry Non. Chamet va revenir. Mais les Knicks ont encore quelques petits mouvements à faire. Hein. Là où d'autres équipes sont déjà pleines, les Knicks sont une des rares à être officiellement avec que 12 joueurs. Donc, à En tout voir. cas, ils se sont Après. pas, voilà, ils se sont pas bloqués. Je pense que quand même, ils ont bien envie de revoir le petit Landry. Ouais, il Et a bon. montré de belles choses. Donc, on devrait le revoir si son corps le lui permet. Si on n'est Ouais, pas puis sur bien une sûr. rééducation trop longue C'est vrai comme Jules qu'après Sommer. d'art. C'est vrai qu'après d'art, tu te. Avec l'équipe, il les connaît. Tu vois, enfin, après d'ailleurs, que quand tu vas arriver dans une période les matchs, tu trouves qualification en playoff, ça sera sûrement par là qu'il devrait revenir, quoi. C'est-à-dire 3-4 mois, bah, ça t'amène voilà, juste après février. Donc ça va être là où ça va être le plus la dernière ligne droite. Donc d'avoir un mec qui connaît le groupe, facile pour l'intégration, quoi. Tout à fait. Donc Au pour niveau. l'instant, Chamet est toujours un nick. Voilà, sachez-le. Allez, on va revenir sur les deux matchs de la Nous le semaine sachons. dernière. Nous le sachons, Chamet est un X, mais il n'a pas encore joué en saison régulière. On verra. Il y avait deux matchs au programme de la saison régulière de la semaine dernière. Vous le saviez, l'Opening Night à Boston. Bon, les Celtics étaient focus sur leur rencontre. Ils avaient des messages à faire passer. Ah. Les Knicks Ah étaient ouais. malheureusement encore en rodage. On a vu Ah deux ça. équipes Et sur un pas parquet, faute de l'avoir mais. dit. Hein. De pas avoir dit. On aurait pu espérer un moment de démobilisation, voilà, être un peu moins focus sur la rencontre parce qu'il y avait l'émotion de Ah, la cérémonie, de la remise des bagues, tout ça. Bon, non, tu pas regardes pour ça. le tu regardes la physionomie du match, tu vois, quand tu les cartons, bah en fait, tu t'aperçois que bah le premier carton a été un enfer. Déjà parce que tu as une équipe qui a shooté à 110% à 3 points. Il marque un 3 points. Donc c'est vrai que là c'était quand même compliqué de lutter face à ça. Mais après, sur le reste du match, tu vois, ça a été. Donc 31-31, 32-39 et 22-19. Voilà, le premier quart-temps, 24-43. Ouh, là ça pique. Là ça fait mal. C'est On a raté des le shooters. Eux les ont mis. Tatum marché sur l'eau. Toute l'équipe était extraordinaire de Boston. Nous, on était. Toujours en rodage, je pense que ça va encore le durer sur quelques matchs parce que bon, bah, t'as quand même changé beaucoup de gens, on l'a dit. Et puis en face, a très peu fait évoluer son effectif. Ils sont voilà, ils se connaissent sur le bout des ongles. Ils ont vécu des aventures en face qui est très soudée. Nous, il y a une alchimie à créer, et bon, ben bah, voilà, ça donne ce match où tu perds de 30 points, tu perds. Écartant que tu n'arriveras plus jamais en fait à combler quoi. Donc C'est ce qu'on voilà appelle voilà plus le. communément un blowout. Et malheureusement, ça s'est passé en ouverture de la saison. C'est pas la meilleure façon de démarrer sa saison. Bien sûr, il y avait beaucoup de monde à scruter les Knicks. Et forcément, certains se sont moqués de ce prétendu challenger qui se prend un blowout d'entrée de jeu. Bon, effectivement, quand on voit les pourcentages de réussite des Celtics sur ce match, on peut se poser la question de savoir si la défense était au point. Visiblement, peut-être pas assez agressif sur les Brown et Tatum. Après, on ne sera pas les seuls à perdre au TD Garden. Tatum, Brown, ils avaient des messages à faire passer aussi après un été peut-être compliqué pour eux, que ce soit avec Team USA ou sans Team USA. Hein. Donc, effectivement, il y avait des choses à remettre un petit peu l'église, à remettre au centre du village, comme on dit parfois chez les anciens. Le champion en titre devait se faire respecter, devait montrer qu'ils étaient là pour prendre la direction d'un back-to-back, qu'ils étaient en pleine confiance, et c'est ce qui s'est passé très vite. Cette réussite insolente à 3 points a tout de suite créé le break d'entrée de jeu dans le premier quart. Ça n'a pas empêché de Incroyable. voir des belles choses sur cette rencontre. Bon, même si ça a été compliqué pour Mikal Bridges, ça a été compliqué pour Karl Anthony Towns, ça a été bien plutôt pour Miles McBride, qui s'est montré plutôt bien, adroit, et créateur en sortie de banc, enfin capable d'apporter de l'apport offensif en seconde unit. Donc ça, ce rôle de sixième homme et de scoreur en sortie de banc, il lui est tout à fait désigné pour cette saison. On a eu un Jalen Brunson qui a essayé de faire jouer ses coéquipiers, mais voilà, à un moment donné, il a fallu qu'il prenne ses responsabilités. Il n'est pas sur ses plus gros pourcentages. Il était attendu aussi forcément par la défense des Celtics. Un OG Anunoby qui avait été plutôt bon en pré-saison, on l'avait vu plutôt à l'aise offensivement, capable Ouais, bah de là. profiter des décalages, des ouvertures de ses coéquipiers, parce que la défense, les défenses adverses ne peuvent pas non plus tous se concentrer à faire des prises à deux sur tous les joueurs. Donc OG en avait profité en pré-saison, là, en saison régulière, il passe à côté sur ce match. Et son apport défensif n'a pas non plus été d'un niveau très élevé, dans le sens où bah, il s'est pris des 3 points sur la tronche de la part de Tatum ou Brown. Donc voilà, ça a été compliqué pour le starting 5. Ça a permis de faire tourner un petit peu l'effectif. On a vu Paco Mdadié sur ce match. Là où Mikal était en Ouais. difficulté, bah, ça a donné un petit peu de temps de jeu aux rookies qui, avant cette rencontre, on entendait des oui, son rôle, son utilisation sera peut-être un peu supérieure à son rôle qui était prévu initialement. Le fait d'avoir fait quelques petites belles sorties en pré-saison. Aller dans ce sens. Donc c'est bien qu'un rookie d'à peine 19 ans puisse avoir un peu cette expérience sur une opening night dans une adversité qui était quand même un cran nettement au-dessus de ce qu'on a vu en pré-saison. Donc ça a profité un petit peu, mais voilà, un blowout, ça reste un blowout. C'est une équipe qui a couru, les Knicks ont couru après le score, ils n'ont jamais été en capacité de pouvoir revenir, de faire les stops, les runs nécessaires pour recoller au score. On a espéré. Mais on n'a pas espéré longtemps, hein. C'est la physionomie du match. Et puis Joe Mazzulla n'a pas non plus laissé l'opportunité aux Knicks de comment dire de recoller. Il a pas benché son Non, ses starters tout de suite. tu t'es fait Donc casser la gueule. Voilà. ouais, tout simplement. Hein. Donc faut savoir l'accepter. C'était dommage pour une rentrée en jeu. Après les prochains matchs, la prochaine fois qu'on les rencontre, c'est en février. Ça sera pas du tout le même type de match à ce moment-là. Espérons qu'à ce moment-là, l'équipe d'Enix sera un peu plus en forme, Alors, si qu'il y ait un meilleur rythme match, de croisière. si c'est le même type de match que là en février, il y a du souci à se faire quand même. Ah, Si on effectivement. se fait casser Après, il devrait réintégrer dans Kristaps 3-4 Porzingis aussi. mois, oui, mais bon, nous entre-temps, on aura un groupe qui aura un peu plus de vécu, quoi, quand même, tu vois. Espérons-le. Enfin, normalement, on devra l'avoir et on a pu voir aussi un second match où on peut se rassurer sur certains points. En tout cas, voilà, un match intéressant tout de même. C'est difficile de tirer des notes positives sur un blowout. Mais on a pu retrouver un Josh Hart un petit peu plus scoreur aussi. Là où il était en grande difficulté, en grande peine en pré-saison, il ne marquait pas. Ou à peine 2 points. Là, il a profité justement des libertés que pouvait laisser la défense des Celtics en étant focalisé sur d'autres joueurs. Ça lui a profité, et tant mieux si on peut retrouver un petit peu d'apport offensif de Josh Hart. Mais voilà, c'est une des rares notes positives qu'on peut tirer de cette rencontre. C'est un blowout, ça arrive. Espérons qu'il n'y en ait pas Si, trop cette saison. moi, il y aurait une autre note positive que je voudrais souligner pour Dis-nous. ce match. C'est là, et je trouve de plus en plus régulier, de Miles Juice McBride. Oui. Quand il est rentré avec 22 points, je trouve que il a une régularité au shoot et un point qui est de plus en plus, j'allais dire régulière, la régularité Oui. régulière, mais voilà, qui équipe, il se prend pas la tête, que quand il doit prendre le tir, il le prend. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a aussi aucun... mais sinon, ouais, je trouve que il y a de la défense, on le savait, hein, c'est un joueur, voilà, qui malgré son petit gabarit, mais qui marque, je veux dire, c'est un pull-up à trois, pas de problème, qui pénètre, pas de problème, qui va fixer son adversaire, qui va marquer sur un petit fadeaway, pas de problème. Je trouve que il y a vraiment eu ça s'est opéré déjà sur mi-saison dernière. On Oui. avait dit que ça avait été un des grands gagnants du départ de Emmanuel Quickly. Dans la Dans la seconde rotation. unit, Et il avait, ouais, et il avait su rapidement apporter quelque chose un sur Maxi, même s'il avait scoré, mais il, en tout cas, il avait fait de très très bonnes minutes en Ouais, en playoff. playoff, il avait été intéressant. Hein. Là, on avait besoin de scoring en sortie de banc. Et Burks ou Bogdanovic étaient censés l'apporter. Bah, on avait plutôt trouvé ce scoring dans la seconde unit par Miles McBride. Et là, on le retrouve encore dans ce rôle, quoi. Et on avait dit, Mike Bride fait les playoffs qu'on aurait aimé que Quickly fasse. Oui. Et c'est vrai que, et là, en pré-saison, on avait eu un prémisse de ça. Et premier match, ben, pas de problème, pas de pression. Il y score, si... très bien. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup le développement et la direction que prend ce joueur. Je tenais à le dire. Miles McBride, ça avait été déjà un petit coup de cœur quand il était arrivé. J'aimais bien ce qu'il avait fait. J'aimais bien ce qu'il montrait. Et au fur et à mesure, son éclosion est là. Donc peut-être l'année du MIP ou Ou du sixième homme sixième homme. surtout. Peut-être du À sixième voir. homme. À voir. En tout cas, En s'il plus, mais... continue sur Donc... cette veine-là, il pourrait effectivement être récompensé. Pas de conclusion hâtive, on le sait, ça va vite la saison. Mais en tout cas, ce rôle de Non! sixième homme, il lui convient parfaitement sur cette On a quand saison. même un panel entre la fin de la saison dernière et les playoffs. Plus là, c'est le début de saison, on a quand même un panel assez important. Là, c'est pas, tu vois, il nous aurait rien montré. Je t'aurais dit, ok, là quand même, il nous a montré des choses avant ce début de saison. Oui. Et il continue sur cette belle dynamique, donc espérons que ça dure Ouais. le plus longtemps possible. Voilà, ça c'était le premier match, un bon blowout pour finir. Bon, fallait le pronostiquer, c'était pas évident, puis surtout avec l'écart qu'on s'est pris. Derrière, il y avait quelques jours de repos et un match le vendredi soir. Vous savez, les Friday Night Knicks, c'est pas des matchs comme les autres. Et là, c'était l'opening night au Madison Square Garden, l'occasion d'introduire tous les joueurs de l'effectif. Et je vous l'avais fait remarquer, enfin je sais pas si vous vous en souvenez, que lors du Media Day, on n'avait pas vu Mitchell Robinson. Là, lors de ce match Et toi non d'inauguration plus. au Madison Square Garden, son nom a été cité, son numéro a été affiché, mais il n'était pas là. Alors bon, Ouais, c'est peut-être quand que même très c'est bizarre parce rien, qu'il fait mais... il fait des vidéos sur Insta Il s'entraîne, où il se semble-t-il, au montre. lancer franc aussi. Donc c'est pas un Donc joueur qui est en incapacité de se déplacer, quoi. exactement, il est en capacité de pouvoir venir. Il ne vient pas. Alors que tu avais un Chihuahua qui était là, qui était en tenue, Ouais, même s'il ouais. ne pouvait pas jouer. Tu avais voilà, le petit Macular, bon, ça c'est anecdotique. Tu as Mitchell Robinson, et lui n'était pas là, alors que, bah, comme tu dis, pour moi, s'il peut aller à la salle s'entraîner, à New York, s'asseoir sur le banc, marcher, faire coucou, et enfin, bon, je trouve ça, moi aussi, ça m'a. Je trouve ça bizarre. J'attendais, j'étais là, je le regardais, je fais, ah, il va que sa photo Ouais, et qu'ils annonçaient son nom, je trouve ça bizarre. c'est la fête à la maison, c'est la fête pour les fans, c'est l'ouverture de la saison. Alors oui, qu'il ne puisse pas jouer, ça on le sait, il est blessé, son retour était plutôt annoncé aux alentours du mois de janvier, mais ça fait quand même déjà deux événements manqués pour un joueur important du dispositif. Alors bon, alors qu'on a perdu Seb aussi, peut-être qu'il est parti chercher Mitch, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, pas de spéculation trop hâtive non plus, pas de conclusion hâtive, vous le savez. Mais ça fait deux moments où on ne voit pas Mitchell Robinson avec le reste de ses coéquipiers. Et on sait qu'il n'a pas, il a pas une blessure qui l'empêche non plus toute activité. Donc c'est très curieux. On verra, est-ce que c'est signe prémonitoire d'un mouvement, d'un trade? Lui, Mitchell Robinson, aime bien faire quelques déclarations, quelques messages philosophiques sur Instagram ou les réseaux sociaux. Mais pour l'instant, on ne l'a pas vu avec ses coéquipiers. Affaire à suivre. C'est pas grave, il y avait d'autres choses à voir, en tout cas sur le parquet du Madison Square Garden. Il y avait pas mal de monde aussi en courtside, hein, le gratin new-yorkais était présent, les anciens de la maison Knickerbocker T'as étaient vu présents. la triptyque John Starks, Larry Larry Johnson Johnson et Bernard King. et Bernard King Alors, ils ont jamais joué ensemble, mais en tout cas, ça fait une belle triplette. On a vu aussi Tim Thomas. Tu t'en souviens bien, Tim Thomas, des X. Mais Alors, Melo était Starks, présent. il a joué Starks, il a dû jouer une saison avec Larry Johnson. Il a Oui, joué une saison oui. avec. Mais Bernard King, c'était une autre époque, une autre Ah, bah Martin, génération. non. Par contre, non. Mais Par en tout contre, oui, cas, voilà. j'ai pensé à Tim Thomas. Et elle était là avec Herb Williams. Je crois que c'était Herb Williams qui était présent avec lui. Oui, à côté. Ah là là. Mello était La présent. légende. Lui, Fajo, je peux te dire que Fabulous. lui, Thomas, il fait tout pour avoir son maillot retiré. Ah, il est présent au stade quand il faut. Et là, on a eu un match qui était dans un tout autre dimension. Alors, un premier carton qui était plutôt accroché. Je serais tenté de dire que les Pacers ont tenu le coup sur le premier carton. Mais derrière, finalement, la force de frappe offensive des New York Knicks a fait le travail. Incroyable. Le match, on Ah ouais. termine avec 4 starters à plus de 20 points. Donc voilà, est-ce que ça sera tout ça, toute la. Les matchs qu'on va voir des Knicks pendant le reste de ces 82 matchs de saison régulière, peut-être pas. Il y a eu de la réussite. Finalement, Mikal Bridges, il a retravaillé son shoot, il a refait son shoot. Et là, ça a rentré plus tôt sur cette rencontre. Tant mieux. Karl Anthony Towns, il a shooté assez vite à 3 points et c'est rentré d'entrée de jeu. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Jalen Brunson J'ai qui trouvé plus termine à jouer vachement patient. plus à l'intérieur. Ouais, et puis peut-être plus patient aussi. Il a joué à l'intérieur, là où il avait un défi avec Miles Turner en face. Donc c'était plutôt intéressant aussi de le voir se frotter à des grands intérieurs. Donc il n'a pas abusé du shoot à 3 points. Pour preuve, il en a pris 2. Il en a rentré 2. Ouais. Donc tant mieux. Voilà, Voilà. un Karl Anthony Towns qui aurait pu être un petit peu stressé, on va dire, par ce premier match officiel. Il y a eu des matchs de pré-saison. Mais voilà, c'est pas rien non plus. Et belle ligne Il avait annoncé. Belling pour de lui. stats, oui. Belle, très Oui. belle ligne de stats. Hein. Présence au 21, rebond. 15 et 2 contre. Belle ligne de stats avec à peine faute. Écoute, belle ligne de stats. Ouais, puis un Karl Anthony Towns qui, lui, sait mettre ses lancers francs, ce qui n'est pas le cas d'un certain Mitchell Robinson. Alors, à Mitchell Robinson, il s'entraîne au lancer franc. Est-ce que c'est en vue de récupérer sa place de titulaire? On verra. Hein, on verra, pas de spéculation. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir un intérieur, un pivot qui peut mettre ses lancers francs. Vous le savez, c'est souvent des joueurs qui ont des fautes parce que dans la raquette, il se passe des contacts et c'est souvent des contacts sifflés. Mais voilà, on a pu voir une variété dans son jeu. On a pu voir aussi qu'il était en capacité d'aller défier Miles Turner. Qui est un pivot qui lui rend un peu de poids aussi, donc ça c'était plutôt intéressant comme opposition. Et puis moi j'ai trouvé un Karl Anthony Towns qui ne forçait pas son jeu. Il a su saisir quelques bonnes passes pour aller au panier, mais autrement voilà, le jeu était plutôt assez équilibré. Peut-être que par moment il y avait un peu du à toi, à moi, chacun son tour, mais en tout cas, 4 starters qui terminent à plus de 20 points, dont Josh Hart. Finalement, le cinquième starter qui ne fait pas sa vingtaine de points, c'est OG Anunobi. Bon, il termine à 14, c'est pas si mal non plus. Mais voilà, on a trouvé des Knickerbockers beaucoup plus inspirés, beaucoup plus inspirants sur cette rencontre, qui ont su finalement assez vite verrouiller les Pascal Siakam, Tyrese Haliburton, on peut en parler, le fameux Knicks Killer, l'autoproclamé Knicks Killer, Oh ouais, visiblement, 0 point quoi. il a Zéro passé une point. mauvaise soirée. Alors il fait 5 passes, bon c'est déjà ça, mais pour un joueur qui est censé être un joueur majeur, un All-Star, un joueur de Team USA, ça fait plutôt mauvaise figure de finir avec ce genre de rencontre. Mais bon, tant pis pour lui, hein, tant mieux pour nous. Pleurer sur Et le donc transport, non, on va pleurer. les Knicks qu'on fait course en tête sur cette rencontre après s'être détaché dans le second quart, des temps de jeu. Hein, parce qu'on va souvent parler des temps de jeu quand on va parler des Knicks, bah, qui se sont plutôt bien équilibrés avec une trentaine de minutes pour des joueurs qui ont À besoin aussi de retrouver des sensations. une rotation actuellement, alors c'est ça qui va me déranger un petit peu. J'espère que ça va être réglé, mais au vu de notre banc, comment tu peux faire autrement? Rotation à 8, c'est-à-dire que là tu finis sur un blowout, donc forcément, tu as du Dadier, du Colec, du En fin de match, quoi. Porti qui ont joué. D'ailleurs, on a fini avec la paire Hugues Porti Sims. Voilà. Mais Voilà. McBride ont été Payne et ont été donc Sims. Et donc, tu as une rotation à 8 actuellement. Comme je dis, c'est compliqué au vu de notre banc. Tu as compris que McBride, il est sur la rotation 1-2. Payne, Également. rotation 1-2. Donc, soit McBride rentre à la place, voilà, de GB, soit il rentre à la place de selon comment est la configuration. Et Sims, lui, il est là pour reposer Towns. Parce que tu sens Même s'il finit avec 32 minutes, mais j'ai trouvé qu'au niveau de son temps de jeu était bien réglé. Même si il est dit que on aime bien ce que fait pas comme Dadier, bon, on aime bien 4 minutes dans un garbage, quoi. Après, Ou lorsque tu prends une raclée contre Boston, tu le fais rentrer histoire de. Allez, toi, tu sors, fais rentrer le Rooks à ta place et voilà, histoire de piquer au vif. Mais sinon, pour l'instant, force est de constater, on verra si ça continue ainsi avec cette rotation à 8. Rotation à 8, c'est quand même cool. C'est quand même très court. c'est court. Bon, après, il y avait un peu de temps de repos entre deux matchs. Le prochain, c'est cette nuit. Ça sera dans la nuit de lundi à mardi. Et puis, les joueurs ont besoin de trouver des sensations après un blowout qui devait se rassurer. On a vu un Mikal Bridges qui s'est très vite rassuré aussi par rapport à sa diversité de shoot et ses capacités à scorer à différents spots. Et tu parlais de Dadier. Bah, Dadier, il est arrivé un peu souvent en backup de Mikal, entre autres sur le premier match quand il y avait des problèmes de faute. Mais voilà, autrement, effectivement, c'est plus Là, à tu l'aine où ça vois, il manque. nous manque Achua, quoi. Il nous manque Achua, il manque Chamet, tout simplement. Donc deux joueurs qui sont Eh ouais. blessés, qui avaient justement ce temps de jeu régulier déjà en pré-saison. Donc là, en attendant, bah, on serre un petit peu les dents, même si ça va, les joueurs sont pas non plus cramés, à part deux matchs de Non, saison je dis. régulière. Non, mais je dis pas Mais ça. forcément, ça réduit la rotation, et heureusement qu'il y a du blowout pour ouvrir le banc en fin de Voilà, rencontre, quoi. c'est pas ce que je dis. Je dis juste que. On a une rotation à 8. Ça, c'est factuel. Et bah, quid, là, tu vas prendre le prochain match, ça va être contre Cleveland. Cleveland, sur une fin de match où, dans le quatrième quart, on est toujours au coude à coude. Ça se passe, en fait. Est-ce qu'on reste sur une rotation à 8? Est-ce que dans ces cas-là, tu fais jouer les 12 minutes à tes starters du quatrième? Je me pose comme question, c'est pas des critiques que je fais envers quoi que ce soit, juste je me pose des questions. On a une rotation à 8 actuellement. Est-ce que je me suis dit, mais t'as vu lui, t'as vu lui? Ben non, en fait, pour l'instant, on a vu que McBride et on a croisé les doigts en se disant, quand il s'est fait mal à la. Ouais, Oh, c'est j'espère que sur ça ce va aller. Quand on a vu que Hart, il s'est tenu un peu là un peu derrière la le cuisse, muscle ouais. fessier derrière là, on s'est dit ah, j'espère. Et ça, c'était quelque chose aussi qu'on avait souligné. La profondeur de banc est maigre et on joue avec des gens qui potentiellement peuvent se péter comme OG ou comme Karl Anthony Towns. Donc Il y aura forcément de la vigilance et en même temps, ce début de saison, il y a Ça va besoin être quelque chose de vraiment donner quelques à minutes. surveiller, quoi. Ça va vraiment être quelque chose à surveiller. Ouais, non, mais je suis d'accord, il faut donner des minutes. Aussi, tu sais que souvent, tu as un tempo et en tout cas, tu peux avoir quelque chose qui peut être relancé par la deuxième unité. Tu sais que en fait, permettre de pouvoir revenir et en fait, ben, le 5 va revenir et va enfoncer le clou. Et là, actuellement, notre seconde unité. C'est pas 5 mecs ou 4 mecs, c'est 3 mecs. C'est 3 mecs, dont Ouais. 2 arrières. Après la Et liste des 10, 6. finalement, il faut rajouter Precious et Chamet et les rookies que sont Colec, Hugues Porti et Donc, j'en oublie un. Et est-ce Dadier que ça serait viendront bien? après, quoi. Est-ce que ça serait bien? C'est déjà donner un peu de minutes. Je dis pas de leur donner 25 minutes ou 25. Tu sais que là, tu sais que Colec, il est barré. Colec, tu sais qu'il est barré. Il y a du monde Il est devant lui, barré quoi. par McBride. Ça, tu le sais, tu as compris. Ça, tu le sais. Malgré Maintenant, ses tu as dit, qualités de je pense que. basket, Non. Quand tu es sur le garbage, il y avait quand même une certaine pression. Il a perdu pas, il a per... il a perdu quelques ballons. En tout cas, over. Mais à un moment donné, des passes pas mal assurées, des trucs. Enfin. j'aurais bien aimé Mais voir le bon, là. duel TJ McConnell-Tyler Colec. Parce que c'est un peu le Ouais. profil auquel on compare Tyler Mais Colec. bon, tu sais Après, voilà, on que. n'est que sur le deuxième match de saison Colec. régulière. Non, mais. On est sur le second match de saison régulière, je suis d'accord. D'accord, n'empêche que. Son temps viendra. Son temps Tu viendra sais. et... Tu sais que. Et il va falloir quand même, à un moment donné, un peu plus de rotation. Parce que là, qui a 37 minutes, il a joué combien contre les Celtics? Il a joué 25, bon, parce qu'en même temps, on s'est fait défoncer. Anunoby, t'as 35 à nouveau. Je sais que il faut pas dire ouais, mais attends, regarde. Des questions, compagnie. Oui, ok, d'accord, pas de problème. Mais je dis juste que peut-être que donner 10-12 minutes sur chaque mi-temps, c'est-à-dire 6 minutes par mi-temps, c'est peut-être pas déconnant. Et ça te permet peut-être au type de souffler un peu. Et lui, rien n'est mieux que le jeu dans le développement d'un joueur. Donc, c'est un premier tour qu'on a signé. C'est vraiment de lui donner 10-12 minutes par match, histoire de ben, faire souffler un peu plus les starters, parce que une saison est longue. Là, c'est le deuxième match, il en reste 80. Mais aussi pour lui, pour ben, son développement personnel, pour le développement du joueur qu'on veut... Enfin... Voilà, moi, je suis une rotation à 8. Moi, ça m'a dérangé. Pas sur la longueur, mais effectivement, à voir. Tout est toujours une question de contexte. Effectivement, après un match à Boston qui n'était pas en réussite pour les joueurs titulaires, ils avaient besoin de retrouver des sensations, ça a été le cas. Et effectivement, ben, on s'est dit, avec un blowout comme ça, il y avait peut-être moyen d'ouvrir le banc un peu plus vite. Ceci dit, on sait aussi que la NBA, c'est des histoires de run. La physionomie de ce que nous présentaient les Indiana Pacers pouvait laisser entendre dire que les Knicks étaient quand même à l'abri. Mais voilà, Tom Thibodeau a préféré assurer le coup, pas ouvrir tout de suite son banc. Ça s'est fait que sur la fin de match. À voir, il y aura des adversaires aussi un peu plus faciles. Ah, mais dans lequel peut-être que... Ouvrir son banc, pour moi, c'est tu fais jouer le dernier mec. Tu vois, tu fais jouer... Faire entrer un rookie. Alors, je m'en fous qu'il soit français. Je m'en tape complètement. Oui, c'est pas une question de... Je m'en tape. Je dis juste que c'est quand même... C'est un joueur qui peut jouer 3-4. Et tu sais que t'as un problème, t'as une carence en rotation 3-4. Moi, c'est pas ça, ouvrir son banc, en fait. Le faire jouer, c'est pas... Pour moi, le faire jouer, c'est pas ouvrir son banc. Jakob Toppin, c'est ouvrir son banc. Luc Forti... Dadier, pour moi, c'est... Et Dadier, comme je t'ai dit, il pourrait s'appeler Johnson. Je m'en tape. Il a juste le profil 3-4 d'un mec qu'on a drafté au premier tour. Mais voilà, c'est sur ce match où moi, je vois... Ça mériterait un peu plus de minutes, juste par rapport à cette carence de... qu'on ait une rotation à 9. Mais justement, là, t'as un gars qui peut jouer 3-4, donne-le, quoi. Vas-y, lance-le. Enfin, lance-le. Je dis pas de lui donner 20 minutes, mais quand je dis 10-12 minutes, important. Pour moi, c'est important. Ouais. Bon, affaire à suivre. En tout cas, après le match 1 à Boston, on pouvait s'attendre à avoir un peu plus de Dadier, le voir un petit peu. Mais derrière, Mikal qui était en réussite, bon, bah, du coup, il a laissé le gâchot, il a laissé le titulaire. Et à voir si ça se rééquilibre un petit peu sur les prochains matchs. Et bien, les prochains matchs, moi, je vous propose justement de regarder ce qui nous attend cette semaine. Parce que Boston et Indiana, c'est derrière nous. Non, effectivement, on l'a juste pas préparé. Eh bien, effectivement, tu m'as pris de court. J'ai pas le GP, mais voilà. Et ben, on va vous laisser voter pour le Knicks de la semaine. Voilà. Pour le Knicks de la semaine, effectivement, parce que tout simplement, j'avais pas prévu le coup. On va vous laisser voter pour nous dire justement. Toi, tu mettrais qui pour un Knicks de la semaine? Toi, tu mettrais qui? C'est compliqué parce que deux matchs, il n'y en avait pas beaucoup sur deux matchs. Oui, bah, c'est difficile d'aller chercher un Knickerbocker sur cette semaine. On a deux blowouts. Quoi? Moi, je veux dire, le Knicks de la semaine pour moi, parce que c'est très bien ce qu'il a fait. Pour moi, le Knicks de la semaine, c'est Josh Hart. Pour moi, le Knicks de la semaine. Ok, ça s'entend. Alors, vous n'avez pas le visuel. Quand tu vois sa pré-saison compliquée, les déclarations en disant « je suis perdu » et voir les deux... tu vois, enfin, c'est quand même quelqu'un qui s'est fait violence et qui est toujours lucide. Pour moi, Allez. J'aurais mis Josh Hart. Voilà. Banco, partons sur Josh Hart. Effectivement, c'est un choix que je valide complètement. Le numéro 3, de toute façon, c'est un numéro de cœur. En plus, Josh Hart, il est toujours bon client pour toutes les déclarations en presse interposées. Il a défendu Mikal. Il a dit que ça allait aller pour Mikal. Effectivement, on a vu que ça allait mieux pour le Bah, je match suis 2 très pour Mikal. On a vu Josh Hart avec une superbe veste du Wu-Tang Clan. Donc, c'est aussi validé. On a vu Josh Hart également marquer, prendre des rebonds. De l'énergie pour Josh Hart. Donc voilà, effectivement, lançons cette semaine par le Knickerbocker de la semaine. J'ai pas le visuel qui va, mais on a mis d'autres visuels pour honorer notre ami numéro 3, Josh Hart. C'est notre Nick of the Week cette semaine. Et pour sûr, la semaine prochaine, on reprend les bonnes habitudes et on le retrouvera. On le retrouvera lui ou d'autres. Mais on retrouvera un Nick of the Week la semaine prochaine pour l'épisode 101. D'ici là. On regarde ce qui se présente au programme de cette semaine avec des nouveaux matchs Genix et peut-être des victoires, qui sait. Allez, c'est parti, on regarde le programme de cette semaine. Et oui, trois matchs après deux matchs pour la reprise. Cette semaine, ça sera trois matchs des Knicks qu'on aura au programme. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt sympathique. Peut-être qu'il y aura des visites pour aller voir des statues, je ne sais pas, dans des musées ou autres. Voilà. La semaine, elle va démarrer cette semaine, elle va démarrer ce jour, ce lundi, dans la nuit de lundi à mardi, au Madison Square Garden, encore une fois, un nouveau match à domicile. Ça serait bon ton de récupérer une victoire, parce que défendre son parquet, c'est toujours intéressant, surtout face à des concurrents de la conférence Est. Et cette fois-ci, après le retour des Pacers à New York, c'est le retour des Cavaliers. Vous savez, Donovan Mitchell, il voulait venir à jouer à New York et il n'a pas pu parce que Danny Ainge a préféré New le transférer Yorkais. dans l'Ohio. Et ouais, mais pourtant, il a prolongé quand même hein, aux Cavs. Hein, donc là maintenant, un retour à New York, aux Knicks. Ça paraît un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, il va venir jouer ce lundi soir. Attention, match un petit peu plus tôt, à minuit et demi. Profitons du changement d'heure, du passage à l'heure d'hiver, pour avoir un peu des matchs à heure un peu plus raisonnables. Je ne sais pas si vous êtes team replay, team live. On en a parlé la semaine dernière. Ça sera l'ouverture de cette semaine. Donc, les Cavs au Madison Square Garden. Derrière, dans la nuit de mercredi à jeudi, nous aurons un petit déplacement en Floride pour aller voir cette fameuse statue qui fait tant parler, surtout avec la tête de Dwayne Wade. Et oui, ça sera à l'Acacia Center, hein, une salle que l'on va bientôt retrouver parce qu'on va effectivement, dans nos voyages associatifs cette saison, se déplacer à Miami. Il reste encore quelques places, profitez-en, les inscriptions, c'est pas encore complètement fermé. Mais c'est la dernière ligne droite. Hein. Donc voilà, en tout cas, ce match aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Et puis on va finir un petit peu la semaine avec une affiche à l'extérieur aussi, à Détroit. Donc vraiment, ça va être deux salles, deux ambiances, deux climats, là aux Detroit Pistons, dans la nuit de vendredi à samedi. Également un match à heure à minuit, tout simplement. Voilà. Donc deux matchs à minuit et demi, les Cavs et le Heat, et un match à minuit pour le match de fin de semaine des Detroit Pistons. Bon, Seb, est-ce que tu nous parles un petit peu de la Yes. forme de ces trois équipes pour voir un petit peu quel est le niveau d'adversité qu'on va avoir? On parle pas de champion Eh ben, le NBA, niveau peut-être pas de champion en d'adversité, titre, mais. c'est un peu tout. C'est un peu tout. C'est-à-dire que là, tu prends quand même les Cavaliers en pleine confiance, 3-0. mais qui pour l'instant, c'est des équipes qui vont chercher un autre. Comment il s'appelle le petit rookie qui arrive là, qui est extrêmement fort. Enfin bref. Et ouais, ils ont affronté Toronto, Détroit et Washington. Bon. 136-106 contre Toronto. Toronto on perd rapidement Quickly et RJ Barrett qui joue pas. Ensuite, ils ont affronté Détroit 113-101. Et puis là, Washington 135-116. Bon. Première grosse opposition pour eux. Hein. Les Knicks, première grosse opposition pour eux. Leur équipe est au complète quasiment. Il leur manquait Money Bates. Tout le monde est là du côté Des caves. des Cavs. On a voilà au rebond et un Donovan Mitchell. On a surtout ben, un nouveau coaching staff hein, avec ben, l'ancien adjoint de Vincent Collet. Aussi, on a Vincent Collet qui est un quoi Alors, je sais pas si l'officine est qu'est-ce directement. J'ai pas regardé les matchs de ouais. Cavs. ils conseilleraient spécial. Bon, bref. Ouais, donc E3-0, mais 3 équipes contre des. Des équipes qui tankent. On ne peut pas vraiment parler de, d'adversité là-dessus. Concernant boss, concernant le Heat, eux, ils sont à 1. Ils ont perdu le derby de Floride contre Orlando. Et comme il faut, hein, y a pas, le match, je l'ai vu contre. Donc, 107. Là, ils viennent de battre Charlotte. 114-106. Bon. Quelque part, c'est un peu la logique qui a été respectée. D'un côté, tu perds contre Orlando. Pour potentiellement peut finir dans le top 6. Et tu perds contre Charlotte qui va se battre pour les places, ouais, pour les places 9-10. Charlotte qu'on a rencontré en pré-saison, là, qui a du talent, mais qui vise pas non plus très très haut. Mais qui pourrait surprendre des équipes. Et puis avec le retour de la Melo Ball, à voir en tout cas pour Charlotte. Mais effectivement, c'est une victoire qui était plutôt intéressante pour se rattraper pour le Heat. Après, il y a l'air d'avoir un petit peu de la friction en interne, des rumeurs de départ de Jimmy Butler. À voir en tout cas ce Heat, comment il se présente, enfin comment il se présente, comment ils accueillent les New Yorkais. On verra, intéressant. Qui est out, mais qui est annoncé au retour, donc peut-être que peut-être qu'il sera de retour contre les Knicks, mais soit donc déterminant, je dis ça. Et c'est lui qui va nous mettre le dagger à 3 au buzzer. Enfin bref. Pistons, bon, les Pistons, on est reparti malheureusement pour eux sur une saison galère. 3 matchs, 3 défaites. Tu perds plus de 10 points. Tu perds contre Indiana, tu perds contre Cleveland, tu perds contre Boston. Alors, 3 grosses équipes. Hein, 3 équipes qui sont des. Dans les places 1 à 6. Donc, et c'était évident que ça allait être compliqué. Cependant, Kate Cunningham qui joue mieux, qui joue bien. Un Jaren Duren, donc à voir ce que ça va donner. Mais encore une fois, c'est annoncé assez compliqué pour les Pistons. Pour les Pistons, Cooper Flagg, il joue pas. Hein. Pas encore. Justement lui que je parle. Voilà, c'est justement lui que je parlais. Tout le monde va se disputer, c'est-à-dire bah ouais, Détroit, t'as Toronto Portland, qui va être chercher l'avoir. Après ouais, Portland. Ça. Ouais, Cooper Flagg. Ouais, tu sais que lui, quand je vois des. Enfin bref. Et ouais, donc voilà. Donc je pense que ça va être encore une fois une saison compliquée. Encore une fois, ils vont finir avec Mobi. Encore. Et encore une fois, ils feront rien avec. À voir si les saisons se suivent et se ressemblent. Quelque chose, je sais pas. On verra ce que vont nous proposer. En tout cas, 3 matchs de la conférence Est. C'est voilà, on va rester à l'Est avec une côte Est vue du Nord au Sud. Bon. 2 questions toujours pour ce programme, le match qu'on attend le plus et puis notre pronostic. Alors Seb, la semaine dernière, tu l'as remporté, tu avais annoncé une défaite des Boston Celtics à Boston, enfin des Knicks face aux Boston Celtics. Moi, j'étais tout plein de hype et je voyais un 2-0. Bon, à toi la primeur. Sortez les trompettes. À toi la primeur du pronostic. Déjà, quel est le match que tu attends le plus dans cette semaine? Me dis pas les Pistons, je ne te croirai pas. Il y en a deux, hein. Il y en a deux. C'est vrai que les Cavs et le Heat. Chacun a son histoire. La plus grande position sera les Cavs. Donc je pense que les Cavs, c'est vraiment là. C'est là pour eux aussi. Ils vont se jauger contre une grosse. Ils vont affronter dans ce début de saison. Donc je pense que ce match-là, avec comme tu dis le retour de Donovan Mitchell. Alors que il l'a re-signé au Cavalier, donc je pense que ça ne se fera jamais. Ils n'ont pas trop de blessés. À voir, nous, nos blessés. Et Deuce McBride sont en day-to-day. Donc, on va croiser les doigts, même si, bon, je pense qu'ils... mais pour moi, ce match des carrières, c'est le match que j'attends le plus. Ok, bah écoute, je vais te suivre parce qu'effectivement, c'est un retour encore au Garden. Après la belle prestation face aux Pacers, est-ce que les Knicks vont rester sur cette même dynamique? Voilà, est-ce qu'on va avoir une marque répartie? Est-ce qu'on va avoir un temps de jeu qui va s'équilibrer ou pas? On va avoir aussi une belle opposition à l'intérieur parce que Jarrett Allen, Evan Mobley face à du Karl-Anthony Towns, ça peut être sympa à voir. Jarrett Allen qui a un profil plus défensif. Donc là, on va voir s'il va être en capacité de stopper le chat, le cat. Mais ça va être intéressant. Donc ouais, effectivement, c'est plus ce match-là. Et puis aujourd'hui, dans les projections d'avant-saison, on projette plus les Cavs un peu plus haut dans le ranking de la conférence Est que le Miami Heat. Le Miami Heat, Ouais. on sent une équipe qui est un peu peut-être en fin de cycle et qui cherche un renouveau. Donc même si c'est un adversaire historique et qu'il faut toujours se méfier du Heat, c'est C'est plus sûr. une confirmation que j'ai envie de voir face aux Cavs au Madison Square Garden après le beau succès qu'on a eu face aux Pacers. Donc voilà, moi c'est aussi le match que j'attends avec le plus d'impatience. Mais je suis plutôt confiant sur cette semaine. Donc, sur le reste de la semaine, quel pronostic nous donnerais-tu, Seb? Trois matchs, Oh, trois eh victoires, bien. trois défaites. Tu peux pas avoir du 50-50. Là, il va falloir savoir si le Bon, ouais. bilan de cette semaine est positif Le ou bit, alors le... négatif. il sera positif, le bilan. Ah. Donc, deux Le victoires? bilan sera positif. Trois victoires? 3-0. 3-0? 3-0, 3-0. mon ami. Eh bien, 3-0, bien sûr, on va pas bien tourner sûr. autour du pot Attends. parce que moi également, je vais voir plutôt 3-0 sur cette semaine. Tout va dépendre finalement de ce match face aux Cavs. On a envie de dire que la dynamique, elle est meilleure que celle du Heat et des Pistons. La vraie confrontation, est-ce que les Cavs, c'est supérieur aux Pacers? La saison dernière, en tout cas, c'est pas ce qu'on a vu au regard du parcours en playoff. Est-ce Donc que les voilà, Cavs mais étaient c'est pas la même supérieurs aux opposition non Pacers? plus. Ouais, c'est vrai que Bonne non, question, hein. c'est pas la même opposition. C'est vrai que non, mais oui, hein, c'est vrai que c'est quand même deux rosters un peu différents là. Actuellement, t'as quand même un Liberton qui rate complètement son début de saison. Là où par contre, Donovan Mitchell et compagnie, ils sont Donc, Ils sont en confiance, mais ouais. comme on l'a dit, face à des adversaires peut-être un peu plus faibles. Voilà. Donc voilà. Ils ont chopé, vraiment les plus mauvaises équipes de l'Est. Donc, c'est sûr que pour se mettre en confiance. Par contre, ils arrivent avec le plein de confiance. Par contre, 3-0, ils n'ont pas perdu jusqu'à hein. présent. 3-0, ils ont mis des roosts à tout le monde. Donc, ils arrivent avec le plein de confiance. Et Là, puis ils vont attention aussi affronter les à. Knicks ou MSG. Ça peut-être pas être la même chose. Mais effectivement, ça va être un match test. Et eux aussi ont peut-être le couteau entre les dents et ont envie de prouver des choses, passer un message Ouais. dans cette conférence. Donc attention à pas crier victoire trop vite, en tout cas. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que les Pacers, ce n'est pas la plus grosse défense de la ligue. Ils sont plutôt réputés pour un jeu offensif et marquent beaucoup de points. Mais si on en a marqué beaucoup aussi, c'est peut-être parce que leur défense a laissé des possibilités à New York. Donc attention, on n'aura peut-être pas le copier-coller du match qu'on a pu voir face aux Pacers, Eux, voilà, eux, face ils aux ont quand Cavs. même Donc ça va nous apporter fait d'autres une paire positions. d'intérieur. Une paire d'intérieur solide, je veux dire, un Mobley, et j'arrive en haut, la ligne externe, c'est quand même solide. Voilà, après, la paire, moi, sur laquelle Darius Garland, offensivement, ça score. Maintenant, on sait que défensivement, c'est un peu là qu'est leur talon d'Achille, c'est sur cette défense externe. Donc, Nous, on a un petit lutin là qui aime bien scorer. Et maintenant, on a de la hauteur aussi avec un Mikal Bridges. Donc, ça va être un gros match qui... Je sens pas le blowout là, hein, par contre. Je Non, non, sens mais pas le un match blowout. sûrement plus disputé et on espère que ça tournera en la faveur des Knicks. Les Knicks, ils se sont imposés ces dernières années plutôt face aux Cavs, donc il y a peut-être un avantage psychologique à voir également avec le changement de coach aussi, hein, Kenny Atkinson, on en a parlé. Voilà, ça va être intéressant à voir et on a hâte d'y être pour retrouver les Knicks face à une adversité dans la conférence Est et ce serait pas plus mal de mettre ses adversaires directs plutôt dans le rétroviseur plutôt que de leur laisser un Petite peu ascendant d'opportunités. psychologique, quoi. Petite ascendant Tout à fait. psychologique. Et puis à voir sur la répartition des minutes, on en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'un match comme les Pistons, ça doit permettre d'équilibrer le temps de jeu. Autant je pressens que Tom Thibodeau va encore donner du temps et des occasions de briller à ses starters sur ces deux premiers matchs de la semaine. Pense qu'on Et va puis rester peut-être. Une victoire rotation un à peu 8 plus sur les. facile et un peu plus de temps de jeu pour la seconde unit sur le match face aux Pistons. À voir, parce que il peut se passer beaucoup de choses, des blessures, ou des fois des matchs où l'adresse n'est pas présente et finalement on est obligé de s'en remettre au starter pour aller sécuriser un succès qui normalement devait être facile. Donc affaire à suivre, mais en tout cas, on est aligné, 3-0 pour cette semaine. Dites-nous en commentaire si vous voyez aussi 3 belles victoires Voilà, d'Enix, ce qui petit nous mettrait un 4-1. bilan de 4-1 et ce qui nous positionnerait plutôt bien. À voir. En tout Bon. cas, la hype, elle est toujours là. La confiance, elle est là après le match qu'on a vu face aux Pacers. Mais bon, il faut gagner les matchs. Et c'est pas sur le papier que ça se fait, c'est sur le parquet. Voilà. Le grand moment est arrivé. Quel grand moment? Quel grand moment? Eh bien, le grand moment de vous dévoiler le grand gagnant de notre concours de rentrée pour gagner ce magnifique autographe d'Isaiah Hartenstein. Il nous manque un peu, il était plutôt utile et intéressant, non pas cet autographe, mais ce joueur en sortie de banc, voire en tant que titulaire. Le pauvre, il est blessé maintenant à OKC. Et donc, le jeu consistait en quoi? À pronostiquer tout simplement le résultat de la rencontre. Est-ce que c'était une victoire ou une défaite des Knicks à Boston? Vous étiez beaucoup à croire en la victoire des Knicks. Moi-même, je croyais en la victoire des Knicks. Quelques-uns ont pronostiqué une défaite. Des défaites de court écart. Et finalement, il y a un membre de la KNF qui a eu Il m'a une écouté. écrue. Qui a une Ah épreuve, oui. qui nous a pronostiqué un écart de pas 6, de pas 10, de pas 12, mais de 20 points. Il voyait une grosse Wow. rouste. Alors, est-ce que c'est un Ah, fan des Knicks ou est-ce que c'est un fan des Celtics? Du coup, là, j'avoue que j'ai un peu le doute. Mais il a vu juste. Et ce grand mais gagnant, juste avec c'est. avec un autographe d'Artenstein. Non, c'est un fan des Knicks, ça, j'en ai aucun doute. Pour preuve, il est avec nous sur les derniers voyages qu'on a réalisés avec l'association. Il était présent à Philadelphie aussi avec nous la saison dernière. Il était présent la saison d'avant. Bon, je tairai sa réussite au lancer franc. On n'avait pas été très bon sur cette série au Madison Square Garden. Mais ce grand gagnant, c'est. Roulement de tambour. Alors, j'ai pas de tambour non plus. Mais c'est notre ami Adé Rito. Et oui, Adé pour les intimes que l'on connaît bien dans les voyages. Donc, félicitations à lui, félicitations à toi. On espère te retrouver dimanche pour l'événement. Parce que oui, on a un événement dimanche. Et c'est à cette occasion qu'on devrait pouvoir te remettre ton gain pour l'événement qu'on réalise au Hoops Factory. Donc n'oubliez pas, dimanche d'ailleurs, il y a une date et on vous retrouve pour le Ball is Life. Et oui, on va jouer sur le parquet parce que c'est bien beau de parler basket, c'est bien beau de faire les malins sur des écrans, sur Twitter et autres. Sur un parquet, on va aussi s'amuser. Donc ça sera l'occasion de vous retrouver dimanche au Hoops Factory et donc l'occasion de te remettre ton gain. C'est toi le grand vainqueur de notre jeu concours de la Bravo. rentrée. Bravo à toi et j'espère que tu Le en gain dans feras. la défaite. Tu en feras honneur. Le gain, on en a des faits, mais le gain, voilà. On gagne toujours. Au moins, il n'y a pas de perdant. Et vous le savez, on aime bien faire des petites surprises, des petits cadeaux. Et sur cette centième, on a décidé de refaire un petit jeu. Alors, un petit jeu, mais là, on va voir, on va tester un petit peu vos connaissances. Et ce petit jeu, il va vous faire gagner quoi? Tout simplement une série de posters. Et oui, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu la saison dernière, tout simplement. Et oui, je ressors des cadeaux, en veux-tu, en voilà. Alors là, c'est qui ce bonhomme? C'est notre ami Julius Randle. Et oui, Kiss nous avait fait sortir une série de posters avec les Knickerbockers d'un jour et de toujours. On a du Amare Stoudemire, on a du Larry Johnson, rappelez-vous, le 4 points, le Big L. On a du John Starks, on a du Melo. Et oui, Kat qui nous fait des dédicaces à Melo. Vous connaissez RJ Barrett dans son beau survêt. Bref, cette série de posters vous attend. Pour vous, nos fidèles auditeurs ou téléspectateurs sur YouTube, je ne sais pas si on dit téléspectateurs, mais bon, pour vous qui nous suivez sur Avenix Week, on vous propose Des de viewers. gagner des viewers, vous les viewers et les viewers, John Starks aussi. Bref, on vous propose de gagner cette série de posters. Il y a une série à gagner pour cette centième. Bah oui, parce qu'une centième, c'est pas rien. Centième épisode avec JB en mode Will Chamberlain. Vous avez reconnu le remix. Et pour ça, le petit jeu, il va pas être si évident, mais c'est là où on va voir où sont les bons fans d'Enix. Pour ce jeu, tout simplement, il va falloir nous mettre en commentaire de cette vidéo, tout simplement, le maximum de noms d'anciens Knickerbockers qui ont joué forcément à New York, mais qui ont peut-être joué une fois par-ci par-là, à Cleveland, une fois par-ci par-là, à Miami, une fois par-ci par-là, à Détroit. Voilà. Et on va vouloir avoir en réponse sur cette vidéo pour valider votre participation le plus grand nombre de Knickerbockers qui ont joué dans une ou plusieurs de ces franchises autres que les New York Knicks, aux Cleveland Cavaliers, aux Miami Heat, aux Detroit Pistons. C'est les affiches qu'on va rencontrer cette semaine. Et donc, il y a tout un tas de noms. Je vous en donne un. Voilà, dans le mille. Il fait partie tout simplement de la série de posters. Amare Stoudemire. Et oui, vous vous en rappelez, Nick Sarbach. Il a joué bien sûr à New York. On s'en rappelle, son numéro 1. Mais il a joué aussi, on s'en rappelle peut-être un petit peu moins, ou on préfère l'oublier, au Miami Heat. Donc c'est une bonne réponse. Amare Stoudemire doit faire partie de votre liste. Je vous le donne en mille. Donc c'est facile, mais il y en a sûrement plein d'autres. Il y a même un joueur. Un joueur. Si vous trouvez votre nom, son nom, vous êtes balèze. Qui a joué pour les Knicks, mais aussi pour les Cavs, mais aussi pour le Heat, mais aussi pour les Detroit Pistons. Il y en a un qui a ces quatre franchises. Vous pouvez trouver son nom. Il est passé à New York il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 3, 4, 5 saisons peut-être, je dirais. Ah, je donne trop d'indices. Je donne pas trop d'indices. Je donne pas trop d'indices. Mais en tout cas, je vous attends en commentaire pour nous mettre la liste la plus longue avec tout un tas de joueurs des Knicks. Si l'orthographe n'est pas exacte, ça passera quand même. Bon, il y a des noms, hein, Stoudemire, on défend, on se demande où est-ce qu'on met les M et tout. Bon, bref, vous avez compris le jeu, en tout cas, c'est pas plus compliqué que ça. Mettez-nous en commentaire le maximum d'anciens Knickerbockers et anciens Cavs, anciens Heat, anciens Pistons. Et on verra la semaine prochaine, dans l'épisode 101, qui aura la liste la plus longue en commentaire. Et il repartira avec, tout simplement, cette série de posters avec notre bon vieux Julius. Hein. On fait dans le vintage à chaque fois, mais vous le savez... On the Knicks, always the Knicks. Et pour cet épisode 100, on comptait justement faire référence et faire honneur à tous les anciens. Donc voilà. En commentaire, tout simplement, vous nous postez votre liste et on va lire votre participation. Et d'ailleurs, en parlant du Julius, il fait un beau début de saison avec, avec les Wolves. Et oui, et oui. Donc voilà, on ne l'oublie pas. On l'a toujours dans un coin de l'œil, Julius. Et on lui souhaite toute la réussite possible. Hein, voilà, après tout, ouais. On n'a rien contre ce bon vieux Julius. Donc voilà. C'est ainsi qu'on va terminer cet épisode 100. Déjà la centième. On va vous donner rendez-vous, bien évidemment, pour l'épisode 101. Lundi prochain, sur KNFTV. Même endroit, même heure. À Phoenix Week, vous connaissez les rendez-vous. 100, c'est derrière nous. On est peut-être parti pour 100 nouveaux épisodes. On espère que cette saison sera glorieuse. Elle nous permettra de vibrer, de faire le maximum d'épisodes. Pas trop de trades. Je pense que l'effectif, il est plutôt bien renseigné, bien complet maintenant. Mais en tout cas, on vous donne rendez-vous lundi prochain. Et puis, on vous donne rendez-vous dimanche pour les plus courageux et les plus assidus membres de l'association au Hoops Factory. Vous avez les rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Vous avez les rendez-vous sur knicksnationfrance.com. N'oubliez pas votre participation. Vous avez jusqu'à tout simplement lundi prochain pour mettre vos commentaires. Je serais tenté de dire même dimanche soir. Hein. Dimanche soir, ça sera bien. Pour participer avec la plus longue liste d'anciens Knickerbockers. Remuez-vous les ménages. Rappelez-vous un petit peu les saisons précédentes. Utilisez les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez pour avoir le maximum de chances de remporter ce lot. Et puis, on annoncera le grand vainqueur lundi prochain dans l'émission 101. Voilà, tout simplement. Voisin du dessous, bonne semaine à toi. 3-0. Eh ben oui. C'est un truc de champion, ça. C'est un truc de champion. Bah, 3-0. Bien sûr. Et je ne sais pas si vous avez la référence du t-shirt que je porte aujourd'hui. Hein. Épisode 100, champion de la conférence Est. Hein. C'est peut-être du spoil, c'est peut-être prémonitoire, c'est peut-être vintage. Allez, je vous laisse voir en commentaire. En tout cas, on poursuit les interactions et puis on aura encore d'autres annonces à vous faire dans l'épisode 101. Donc voilà, la saison ne fait que commencer et elle risque d'être belle avec les Knicks et avec la KNF, j'espère en tout cas. Seb, bonne semaine à toi. Si, bonne semaine. Et amis puis, fans, les frères, les sœurs, tous, les cousins, les cousines, bonne semaine à vous et on se retrouve très très vite sur KNF TV. Ciao ciao!